إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فمما لا شك فيه أنه لا يوجد الآن مسلم غيور على دينه إلا ويتعصر كمدا وحزنا على ما يحدث في العالم العربي الإسلامي. ولقد كثر الكلام جدا من كل مشرق ومغرب، الكل يحلل ويرجح، وقل ما تجد من يقول في وسط هذا الزحام أين حكم الله وما هو حكم الله في هذه الأحداث. وبالطبع لا يشك إنسان له أدنى معرفة بمنهج السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم بإحسان أن كل هذا خلاف دين الله عز وجل. فهؤلاء الخارجون ماذا يطلبون وماذا يريدون؟ لا وجود للإسلام في مطالبها، ولا للمتظاهرين، مما يدلك على أنهم جاهلون بالإسلام، وأنهم لا أمل لهم أو لا رغبة لهم في أن تقوم دولة إسلامية حتى ولو كانت هذه هي الغاية. فهل هذا هو السبيل الصحيح؟ الجواب لا وألف لا. وقد آن الأوان أيها المسلمون والمسلمات أن نعود لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا، بالفهم المعتدل السليم الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. Nul doute, chers musulmans et musulmanes, qu'un musulman soucieux de sa religion et du bien-être de ses frères et sœurs musulmans, nul doute que sa poitrine se resserre et que le chagrin l'enveloppe face à la situation actuel dans le monde arabo-musulman. Beaucoup de paroles ont été dites. Beaucoup de paroles ont été dites. Et ceci à travers toute la planète. La majorité, la plupart, rendent cela licite. Mais il est bien rare de trouver parmi toutes ces paroles qui se bousculent les unes les autres, il est rare de trouver une parole qui vient proclamer en disant « Où est le jugement d'Allah ?» Quel est le jugement d'Allah, Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, sur tout ce qui se passe et toutes ces situations? Le musulman qui a la connaissance la plus petite concernant la voie de nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien, aura la certitude que ceci est contraire à la religion d'Allah. et que ces manifestants et ceux qui sortent dans la rue, que demandent-ils? Que veulent-ils? Il n'y a dans leur réclamation et dans leur appel, il n'y a pas de trace d'islam dans leur demande. Il n'y a pas de trace d'islam dans leur demande. La seule chose qu'ils proclament haut et fort, c'est le départ de tel ou tel gouverneur. Ceci te prouve, chers musulmans et musulmanes, que ces personnes, malheureusement, sont ignorants de l'islam et qu'ils n'ont pas pour souhait et pour désir qu'un pays musulman, que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala soit appliquée sur terre. Et si cela avait été leur demande, à savoir s'ils proclamaient en sortant dehors, vouloir le jugement d'Allah sur terre et vouloir un pays islamique, ceci est-il un moyen autorisé en islam? La réponse est non, et mille non. Il est donc du devoir de chaque prêcheur et de chaque savant d'éduquer les gens et de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs. La compréhension du juste milieu, la compréhension saine, la compréhension qui ne comporte ni manquement ni abus. Et les pieux prédécesseurs, ce sont bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. المظاهرات التي جعلوها مشروعة ليس لها مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل إن فيها مصالح بحيث إنه سقط الحكم في مصر وتونس بسبب هذه المظاهرات، فنقول إن الله عز وجل قد قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فليس كل شيء أيها المسلمون والمسلمات، ليس كل شيء ترتب عليه مصلحة يكون مما يحبه الله عز وجل ويأمر به. والله عز وجل بين لنا أن الوسيلة لا بد أن تكون مشروعة ولو كان الأمر منكر ولا خلاف ولا نزاع فيه. قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه فإنه محرم ولا يجوز، وهذا باتفاق أهل العلم واتفاق العقلاء. Les manifestations, chers musulmans et musulmanes, n'ont aucune source dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la possibilité des compagnons et de ceux qui les ont suivis de sortir eux aussi dans les rues et de proclamer leur mécontentement et de crier haut et fort leurs revendications. Ils avaient la possibilité de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Car cela ne fait partie de l'islam, ni de loin, ni de près. Certains vous diront, mais il y a dans ces manifestations des bienfaits, des avantages. Regardez, grâce à ces manifestations, le gouverneur d'Égypte s'est sauvé, le gouverneur de Tunisie s'est sauvé, et ceci grâce à ces manifestations, et grâce au soulèvement du peuple. Nous répondons à ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il te questionne sur le vin et le jeu de hasard. Dis, il y a un grand péché et quelques avantages, mais le mal est plus grand que leurs avantages. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, ce n'est pas parce qu'une chose a soi-disant apporté un bienfait que celle-ci est aimée d'Allah, ou que celle-ci est ordonnée par Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque dans son noble livre, à savoir que les moyens doivent être légiférés, les moyens doivent être licites et agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ce que tu condamnes est un mal, même si ce que tu condamnes ne fait l'objet d'aucune critique et d'aucune divergence parmi les musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, « Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah par ignorance. » Regardez, chers musulmans et musulmanes, d'insulter les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une chose recommandée, est une chose louable, de rabaisser, d'humilier ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal nous interdit d'insulter les idoles. Pourquoi? Car d'insulter ceux qui sont adorés en dehors d'Allah amènerait à ce que ces adorateurs, dans le faux, injurent et insultent Allah subhanahu wa ta'ala par agressivité et ignorance. ألا وإن من أعظم الفتن التي حصلت ويحصل بسببها سفك الدماء سفك الدماء وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتفريق الكلمة واختلال الأمن وقطع الطرق وانتهاك الأعراض وترويع الأمنين وغير ذلك من الأضرار والمفاسد والشر المستطير فتنة الخروج على ولاة الأمور وعدم الصبر عليهم وما يحصل منهم من ظلم واستئثار وجور قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلته. Et parmi les plus grandes discordes, chers musulmans et musulmanes, et parmi les troubles les plus grands qui causent l'effusion de sang, qui rendent veuves les femmes, orphelins les enfants, les troubles et les turpitudes qui divisent la communauté musulmane, qui portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes, qui facilite la prospérité des voleurs et autres. Également, parmi ces troubles qui portent atteinte à l'honneur de la personne et qui fait peur à ceux qui normalement sont en sécurité et bien d'autres maux qui sont la conséquence directe de se soulever contre le gouverneur et de ne pas patienter face à leur injustice, face à leur tyrannie. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il n'est pas connu un groupe qui est sorti contre le gouverneur sans que le fait de se être soulevé a apporté et ait apporté un mal plus grand que le mal qui voulait être enlevé. Wal wajibu ala al-muslimin مع ولاتهم وحكامهم إذا صدرت عنهم أمور لا ترضى عليهم أن يتعاملوا وفق ما جاء فيها من نصوص ويتلقوها بالقبول ويكونوا على يقين جازم أن الصلاح لهم ولأحوالهم إنما هو في العمل بها فإن استأثر حاكمكم عليكم بالأموال وضيق عليكم في الأرزاق والمعيشة فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنكم ستلقون بعدي أثرا والأثرة هي الأثر بالمال وبالحقوق وعدم إعطائها لعموم الناس فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنلتقي بعده عليه الصلاة والسلام بحكام يمنعون الناس حقوقهم فقال عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وإن كان حاكمكم يمنع عنكم حقوقكم التي أوجبها الله عليه جهتكم فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها. وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حمل ما حملوا وعليكم ما حملتم. وإن كان حاكمكم لا يهتدي ولا يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويضربكم ويأخذ أموالكم فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تعاملونه بها. فقد أخرج الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قلت كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Et ce qui est demandé, chers musulmans et musulmanes, envers les gouverneurs musulmans, lorsque émanent d'eux des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas autorisées, eh bien, le devoir du musulman et de la musulmane, c'est de se comporter vis-à-vis de ce gouverneur comme cela est cité dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'appliquer les directives que nous a ordonnées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir la certitude que c'est dans l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la victoire vient et que le dénouement surgit. Si un gouverneur te prend ton argent et tes biens et te rend la vie difficile, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la méthode à appliquer. Il a dit alayhi salatu wa sallam, vous allez rencontrer après moi des égoïstes, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au Hawd, qui est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Et l'égoïste ici, le gouverneur égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui-même. C'est celui qui fait prévaloir son enrichissement personnel et ne manque pas à voler l'argent du peuple et à les rendre malheureux et pauvres. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de patienter. Et si le gouverneur ne nous donne pas les droits qui sont les nôtres, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la directive à suivre, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, selon Salam ibn Yazid, radiyallahu an, il a dit, ô envoyé d'Allah, que penses-tu si des gouverneurs nous demandent leurs droits et nous privent du nôtre? Que nous ordonnes-tu de faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, car ils sont responsables de ce qui leur est obligatoire, et vous êtes responsables de ce qui vous a été rendu obligatoire, à savoir d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Et si le gouverneur ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne met pas en application sa sunnah, et s'il te frappe et te vole tes biens et ton argent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, nous a donné la directive à suivre. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit, c'est-à-dire Hudayfa, ô envoyé d'Allah, et après ce bien, y aura-t-il un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. J'ai dit, quel est ce mal? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, viendra après moi des gouverneurs qui ne suivront pas ma voie, qui ne se conformeront pas à ma sunna, et il y aura avec eux des hommes qui auront des cœurs de diable dans des corps d'humains. J'ai dit, c'est-à-dire Hudayfa, que dois-je faire, ô envoyé d'Allah, si j'arrive, ou si cette situation se présente à moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu écoutes et tu obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos et prend ton argent, écoute et obéis. Wa in kuntum la tuhibbuna hukamakum wa takrahuna ma yaf'aluna min umur faqad bayyana lakum nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam at-tariqata allati tu'amilunahu biha faqala alayhi as-salatu was-salam khiyaru a'immatikum الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية رواه مسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة يا أبا أمية لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن أمرك بأمر فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن ظلمك فاصبر رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. Si l'on n'aime pas les gouverneurs, et si nous les détestons, et si nous détestons leurs actes, leurs faits et gestes, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encore une fois montré la directive à suivre. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par un musulman dans son sahih, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, sont ceux sur lesquels vous priez et qui prient sur vous, et les pires des gouverneurs, et les pires de vos gouverneurs, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, ne devons-nous pas nous soulever avec eux par l'épée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Tant qu'ils font la prière. Non, tant qu'ils font la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est un gouverneur et qui voit en lui une chose faisant partie de la désobéissance d'Allah, qu'il déteste cette chose qu'il a fait, c'est-à-dire le gouverneur, en désobéissance à Allah, mais qu'il ne lui désobéisse pas. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui déteste de son gouverneur une chose, qu'il patiente sur lui. Car il n'y a pas une personne qui sort et qui se soulève contre le gouverneur, ne serait-ce d'un empan, puis meurt sans qu'il ne meure une mort faisant partie de la période anti-islamique. Et Omar radiallahu anhu a dit à Souwaïd, Abu Umayya, ô Abu Umayya, tu vivras sûrement après moi. Obéis donc au gouverneur, même si c'est un esclave d'Abyssinie. S'il te frappe, patiente. S'il t'ordonne un ordre, patiente. S'il te prive, patiente. Et s'il t'offense et injuste envers toi, patiente. وَهَذَا عِبَادَ اللَّهِ لَيْسَ دِفَاعًا عَنِ الظُّلْمِ وَأَهْلِهِ وإنما هو التزام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله جل وعلا أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله ربكم حق تقواه واخشوه حق الخشية واطمئنوا أنفسكم وأريحوها بأن الرزق من عند الله لا من غيره وأن ما كتب لكم منه آت ولن يضيع منه دينار ولا درهم ولا قل أعاش أجدادنا أيها المسلمون أعاش أجدادنا من غير رزق لا والله أعاش أباؤنا من غير رزق لا والله أفنعيش بعدهم من غير رزق لا والله قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق فإن كنتم أيها المسلمون إن كنتم خائفين فلا تخافوا من الفقر وإن كنتم في قلق فلا تقلقوا من الفقر ولكن خافوا واخشوا من الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم واعلموا أيها المسلمون أنكم لستم والله بأحب إلى الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أكرم ولا أفضل ولا أعظم منزلة عنده منه ومع ذلك فقد قبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عيش قليل ويسير فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين رواه مسلم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ceci n'est pas une défense de l'injustice et des injustes, mais c'est d'appliquer et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le mieux Allah azza wa jal. Et c'est des créatures d'Allah azza wa jal, celui qui veut le mieux et le plus, le bien, la félicité et le bonheur à sa communauté. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que la pourvoyance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre. Et que ce qu'Allah azza wa jal t'a écrit te parviendra et tu ne seras privé d'aucun euro, voire même de centimes d'euro qui fait partie de ta pourvoyance. Ainsi, pourquoi se soulever? Pourquoi se soulever à cause d'une vie difficile, à cause d'une pauvreté dans laquelle l'on vit? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient-ils pas pauvres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas pauvre? Le prophète alayhi salatu wa sallam ne sortait-il pas dehors à la recherche de nourriture, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons également, ne sortaient-ils pas dehors à la recherche de nourriture, radiyallahu anhum? Ont-ils manifesté? Sont-ils sortis pour proclamer haut et fort leur mécontentement et demander du blé, de la farine, du pain et autres? Non, par Allah. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur pour nous de la pauvreté. Mais il a dit comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Mais j'ai peur pour vous que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous et que vous vous concurrenciez les uns les autres dans celle-ci et qu'elle cause votre perte comme elle a causé la perte de ceux qui vous ont précédé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nos grands-pères, chers musulmans et musulmanes, n'ont-ils pas eu leur pourvoyance? Nos pères n'ont-ils pas eu leur pourvoyance? Bien sûr. Et nous, serons-nous privés de notre pourvoyance? Non par Allah. Non par Allah, car la pourvoyance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que nous, qui est plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala que nous, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu une vie modeste, une vie pauvre, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'a pas été un jour rassasié de pain et d'huile le même jour. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الناس لم يستفيدوا من الخروج على الحكام شيئا لم يستفيدوا من الخروج على الحكام أبدا فخروج أهل المدينة على يزيد ترتب عليه مفاسد عظيمة وخروجهم على بني أمية وعلى بني العباس ما يترتب عليها إلا الفساد والهلاك والدمار فلم يستفيد المسلمون من هذه الخروجات أبدا ودائما تأتي مفاسدها أكبر وأكبر وأشد من مصالحها وقد قال الحسن البصري رحمه الله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا يعني وهم أهل دين وهم أهل تقوى وما ليس الصبر الذين هم من أهل المعاصي والذنوب قال الحسن البصري رحمه الله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اعلموا أيها المسلمون أن صيانة دماء المسلمين والحفاظ عليها أمر عظيم في الإسلام ليس أمرا هينا والأدلة على ذلك سواء كان من الكتاب أو السنة أو من السيرة النبوية أو من التاريخ كثيرة وكثير جدا ومن أفتى وتسبب في فتواه في إهدار دم مسلم بغير حق فإنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى وسوف يسأل عن هذا الدم. Et sachez que les gens n'ont jamais profité d'un soulèvement contre un gouverneur. Ils n'ont jamais et ne profiteront jamais d'un soulèvement contre un gouverneur musulman. Les gens de Médine s'étaient soulevés contre Yazid. Cela a été la cause d'énormes troubles et d'effusion de sang parmi les musulmans. Le soulèvement contre les Bani Umayyah et contre les fils de l'Abbas, Banu l'Abbas, tout ceci n'a eu pour conséquence que la destruction, le chaos, le mal, l'insécurité, l'injustice. Les musulmans n'ont en rien profité de tous ces soulèvements. Bien au contraire, cela n'a apporté qu'un mal plus grand que celui qu'ils voulaient enlever et dont ils voulaient se débarrasser. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui fait partie des grands tabi'in, a dit par Allah, si les gens éprouvés par leur gouverneur patientaient, patienter c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah, patienter en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et non en plongeant dans les péchés et les turpitudes. Il a dit rahimahullah, par Allah, si les gens, lorsqu'ils sont éprouvés par leur gouverneur, patientaient, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala apporterait un dénouement de sa part. Mais ils accourent vers l'épée, ainsi ils ne se reposent que sur elle, et par Allah, ils n'ont jamais apporté un jour de bien. Puis, il a cité la parole d'Allah azawajal, et nous avons fait hériter de la terre des peuples qui étaient faibles sur terre, que ce soit en Orient ou en Occident. Et la parole de ton Seigneur et la promesse a été accordée aux fils d'Israël lorsqu'ils ont patienté. Lorsqu'ils ont patienté et nous avons éliminé ce qu'a fait Pharaon et son peuple. Ainsi Allah Azzawajal a libéré les fils d'Israël et leur a donné la suprématie sur terre et les a débarrassés de Pharaon et de son peuple car ils ont patienté. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le sang des musulmans est sacré. Ainsi, de protéger le sang des musulmans fait partie des bases de la religion. Ce n'est pas une chose simple de faire couler le sang du musulman. Ce n'est pas une chose moindre. Et les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie du prophète alayhi salatu wa sallam et l'histoire parle également, tout ceci vient appuyer le fait qu'il n'est pas autorisé de mettre en danger les musulmans. Et il faut s'éloigner de tout ce qui pourrait être la cause d'effusion du sang des musulmans. Et toute personne qui autorise cela et qui donne une fatwa pour autoriser l'écoulement du sang, celui-ci sera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala de cette fatwa. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient de l'importance aux gouverneurs musulmans et ils détestaient rester ne serait-ce que quelques instants sans qu'un gouverneur ne les gouverne. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons radiyallahu anhum ont pris conscience de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ont-ils fait? Ils ont recouvert le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un drap et se sont précipités à désigner un gouverneur des musulmans. Ils ont alors désigné Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et une fois Abu Bakr radiyallahu anhu désigné comme gouverneur des musulmans, alors ils se sont occupés des funérailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont lavé, ont prié sur lui et l'ont enterré sallallahu alayhi wa sallam. As-salallahu azza wa jal an yahqina dima' al-muslimin وأن يكفيهم شر شرارهم وأن يكفينا شر أولئك الذين يتكلمون في العلم بغير إذن من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين